Herodaticus est un célèbre orateur grec du deuxième siècle après notre ère. Les Thraces, qui vivaient au nord de la Grèce, restèrent longtemps à l'écart de la civilisation grecque. J'ai entendu Herodaticus, personnage consulaire, discourir à Athènes en grec, et je puis affirmer que personne de notre temps ne s'est exprimé dans cette langue avec autant d'abondance, de gravité et d'élégance. Il parla contre l'insensibilité des stoïciens, pour répondre à un stoïcien qui l'avait provoqué, en lui reprochant de ne pas supporter en homme, et encore moins en sage, la perte d'un enfant chéri. Voici, autant qu'il m'en souvient, le fond de son discours. Jamais homme, dont les sentiments et les goûts sont conformes à la nature, ne peut échapper entièrement aux affections de l'âme que nous nommons passions, telles que le chagrin, le désir, la crainte, la colère, le plaisir, ni rester insensible à la douleur. Et s'il réussissait à se procurer une insensibilité complète, en réalité, cela n'en vaudrait pas mieux. L'âme, à qui manquerait l'aliment si souvent nécessaire de certaines passions, languirait dans une sorte d'engourdissement. Ces sentiments et ces mouvements de l'âme qui, poussés à l'excès, dégénèrent en vice, renferment en eux-mêmes des principes de force et de vivacité. Et si l'on avait la maladresse de les extirper tous, on risquerait d'arracher en même temps les bonnes et utiles qualités de l'âme qui y sont intimement liées. Il faut donc les modérer, les épurer avec sens et précaution, n'arracher que ce qui est étranger ou contraire à la nature et lui nuit comme une herbe parasite. Mais il faut craindre aussi de tomber dans la faute qu'un Thrace grossier et ignorant commis dans la culture d'un champ qu'il avait acheté. Voici la fable. Un Thrace, né dans le fond de la barbarie, s'avisa de passer dans une contrée civilisée pour y mener une existence plus douce. Sans avoir aucune notion d'agriculture, il acheta un fonds de terre qui produisait du vin et de l'huile. Notre homme n'entendait rien à la culture de la vigne et de l'olivier. Un jour, il vit un voisin arracher les ronces qui hérissaient son champ, tailler les frênes presque jusqu'au faîte, couper jusqu'à la racine les rejetons des vignes qui rampaient à terre, émonder, grandes et petites, les branches des pommiers et des oliviers. Il s'approche de lui et demande pourquoi il faisait cet abattis d'arbres et de feuilles. « Afin, répondit le voisin, de dégager et de purifier mon champ et de rendre mes arbres et ma vigne plus fertiles. » Il remercie le voisin et s'en va tout joyeux, comme s'il venait d'apprendre à fond l'art de l'agriculture. Puis, il s'arme de la faux et de la cognée. Et le malheureux décapite, sans savoir ce qu'il fait, toutes ses vignes et tous ses oliviers, les dépouille de leurs plus belles chevelures, abat les cèpes les plus fertiles, arrache indistinctement les arbres et leur espérance avec les ronces et les buissons pour purifier son champ. Il apprit à ses dépens les dangers d'une imprudente imitation. Voilà bien, ajouta Herodaticus, ces partisans de l'insensibilité qui veulent paraître calmes, intrépides, impassibles, sans désir, sans douleur, sans colère et sans plaisir. Ils mutilent tous les ressorts de l'âme, et leur vie, languissante, énervée, n'est qu'une vieillesse anticipée du corps.